il sourit pas, c'est sa nature. C'est pas pour ça qu'il vous en veut. Et qu'il a posé son armure. Il redevient ange aux yeux bleus. Il a compris que ça serait dur. Un soir où criaient ses vieux, il pleure depuis entre quatre murs, quelques nuages au fond des yeux. Sa vie dans le futur, attendant qu'elle le rende heureux, et même s'il n'en est pas bien sûr, ça vaut le coup de jouer à leur jeu. Il en a craché des injures, c'est pas le meilleur cadeau de Dieu. Demain, faut payer la facture. Ce jour-là, ils seront deux. Souvent à vive allure, c'est plus de son âge, il est trop vieux pour mieux effacer ses blessures. Le nez au vent, il se sent mieux. La place est libre sur sa monture. Début de zone rouge, même quand il pleut, il peut mater dans les voitures. Les jambes des filles à chaque feu.